Work hard music. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, fuck tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Double killa. Double, double killa. Double, double killa. C'est bête et je m'en fais à killa. Jamais qu'il ne fasse pas trop les gueudins ou je vais les siroter comme de la tequila. Oula, d'où est l'argent? Ballant, moi qui est vite cherché. Nipa, whipping, papa, les loups, six sous ou pas, ni assez. C'est SK2 sous, en cougna maman, moi, en pack à check ma sissi. Si tu veux quelque chose, envoie les pesos, sauce. C'est comme ça qu'on fait ici. En calimé, y'avait flamme. En cas coupé, y'avait lame. Dis-moi combien ou vegan ou j'accepte que c'est la bonne cam. Double skull, j'fume un double skull. Appelle vite les keufs, j'suis illégal dans le club. Dans ma troupe, y'a que des arnaqueurs. Dealers charbonneurs, la plupart n'ont pas de cœur. J'fume des sommes donc j'additionne. J'la vends et j'la consomme. N'hésite pas si t'en veux, viens pécho, ici c'est les sols. Double killa, mes négros te killa, Niamayaka, sinon les lots on collé là. J'suis posé, j'suis avec mes pirates. On les baisse tous, c'est pas un miracle. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, fuck tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Yes, you go. Double killa, double, double killa. Reta, reta. Double killa, double, double killa. En liquide, on sent les pompons. À part sur ta clique, les bâtons viennent ton corps. Rester une mauvaise, je connais pas la chanson. C'est pas ma tozo, une, c'est pas la tozo. On sent les glocks, glocks. Viseur cop, la frappe dans son bloc, bloc. La potion magique dans mon raid, top. J'étais dans le viseur, keep your head, top. Wesh, négro, dis-moi ce qu'il faut. La belle, la CC ou l'héros. Non, viens pas faire le héros. Si tu perds tes coraux, ne fais pas l'hétéro. Double motherfucker. Matos dans le fucker. Dans l'or, on veut croquer. Pour des sous, on va descroquer. Puissant comme personne, ramène mes sous comme Anderson. Jack, on ne copie pas, moi je sais faire seul. Je baisse des rappeurs dans un linceul. Me balade, je slalom. Ces faux rappeurs me font des accolades. BTG s'apprête à décoller. On est les meilleurs bébés sans déconner. Les MC ont l'air traumatisés. Négro, trop de teuté sur qui viser. Les négros sont peu scolarisés. Ego, beaucoup de cris sur qui viser. Équipé de calibre, de gros sabres. Beaucoup sont en descente, je constate. Reta, souverainisé comme jamais des kids dans des gros sacs. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, fuck tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Reta, reta. Double killa, double, double killa. Pow, pow, pow.